Page 4. Quelle est la capitale de l'Espagne? Les pronoms. Vocabulaire. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle.